Revoir The Amazing Spider-Man après la trilogie de Sam Raimi rend encore plus visible le gâchis qu'il représente. D'abord, le reboot, alors que Sam Raimi avait mis en place beaucoup de choses pour de futurs épisodes, ne serait-ce que le Rhino ou le Lézard ou encore Gwen Stacy. Ensuite, le casting. Sérieusement, il est exceptionnel. Andrew Garfield est de loin le Peter Parker le plus sympathique. Martin Sheen est un oncle Ben consistant. Emma Stone, une superbe Gwen Stacy. Et Sally Field, une tante May rajeunie sans être une pin-up. Même Ricky Fan fait un bon lézard, mais sans faire réellement d'ombre à Doc Ock ou au Green Goblin. Franchement, ça partait bien. Mais la réalisation plate et sans grand génie ne tient pas la comparaison face à la maestria de Sam Raimi. Le scénario n'est pas le meilleur, même si je trouve que la découverte des pouvoirs est bien traitée. Et enfin, les SFX, même s'ils sont corrects, sont trop mis en avant et de ce fait vieillissent plutôt mal. C'est vraiment très dommage.